Chapitre 16. Ce que devint Olivier Twist après qu'il eut été réclamé par Nancy. Après avoir franchi nombre de rues étroites et de passages détournés, Sykes, Nancy et Olivier arrivèrent à un espace découvert que des claies et des parcs à troupeaux désignaient pour un marché au bétail. Là, Sykes ralentit le pas, car la jeune fille ne pouvait soutenir plus longtemps l'allure rapide qu'ils avaient prise jusqu'alors. Il se tourna vers Olivier et lui enjoignit d'un ton brutal de prendre la main de Nancy. « M'entends-tu ? » gronda-t-il en voyant Olivier hésiter et regarder aux alentours. Ils étaient dans un endroit sombre, loin de tout passant, et Olivier ne vit que trop clairement qu'il n'y avait pas de résistance possible. Il tendit la main à Nancy, qui la lui serra étroitement. « Donne-moi l'autre, » dit Sykes. « Ici, Turc !» Le chien leva la tête en grondant. « Tiens, mon brave !» ajouta Sykes en mettant la main sur la gorge d'Olivier et en proférant un affreux jurement. « S'il souffle un mot, jette-toi là-dessus, tu comprends ?» Le chien grogna de nouveau, se lécha le museau et regarda Olivier comme s'il avait envie de lui sauter à la gorge sans plus tarder. « Il le ferait comme je le lui dis, mille tonnerres !» dit Sykes en regardant son chien d'un œil féroce et satisfait. « Maintenant tu sais ce qui t'attend, jeune homme. Ainsi, crie si l'envie t'en prend. Le chien se chargera bien de te faire taire. Allons plus vite que ça !» Turc remua la queue pour remercier son maître de ses paroles caressantes auxquelles il n'était pas habitué. Puis il poussa un nouveau grognement à l'adresse d'Olivier et prit les devants. C'était Smithfield qu'il traversait. C'eût été Grosvenor Square qu'Olivier n'en eût pas su davantage. La nuit était sombre et brumeuse. L'éclairage des boutiques se voyait à peine à travers l'épaisseur du brouillard qui augmentait à chaque instant et enveloppait de ténèbres les rues et les maisons. L'aspect de ces lieux n'en était que plus étrange pour Olivier et son anxiété plus grande. Il marchait d'un pas précipité quand l'horloge d'une église voisine sonna l'heure. Au premier coup, Sykes et Nancy firent halte et prêtèrent l'oreille. « 8 heures, Guillaume, » dit Nancy. « À quoi bon me dire ça ? Je l'entends bien, n'est-ce pas ? » répondit Sykes. « Et eux, je voudrais bien savoir s'ils peuvent l'entendre, » dit Nancy. « Sans doute qu'ils le peuvent, » reprit Sykes. Quand on m'a coffré, c'était l'époque de la foire de la Saint-Barthélemy, et il n'y avait pas dans toute la foire une méchante trompette dont je n'entendisse le vacarme. Quand j'étais sous les verrous le soir, le tumulte et le tapage du dehors rendaient si affreux le silence de la damnée vieille prison que j'étais tenté de me briser la tête contre les ferrures de la porte. « Pauvre garçon, » dit Nancy, le visage toujours tourné vers le point d'où l'horloge s'était fait entendre. « Quel dommage, Guillaume, de si beaux garçons !» « Voilà bien les femmes, » répondit Sykes. « Elles ne font attention qu'à ça. De si beaux garçons, eh bien, s'ils ne sont pas encore morts, ils n'en valent pas mieux. Ainsi, n'en parlons plus. » Il semblait en même temps réprimer un mouvement de jalousie, et serrant plus fort la main d'Olivier, il lui dit d'avancer. « 1 minute, » dit la jeune fille, « je ne passerai pas si vite par ici s'il s'agissait pour toi, Guillaume, d'être pendu le lendemain à 8 heures. Il aurait beau y avoir de la neige, et je n'aurais pas de châle pour me couvrir, que je ferais le tour de cette place jusqu'à l'extinction. « À quoi que ça m'avancerait ? » demanda le brutal Sykes. « À moins que tu puisses me passer une lime et 20 aunes de bonne corde, tu ferais 50 miles, ou tu ne bougerais pas, que ça serait pareil, pour le bien que ça me ferait. Allons en route, et ne restons pas là 1 heure à faire des phrases. » La jeune fille éclata de rire, rajusta son châle, et ils se remirent à marcher. Mais Olivier sentit trembler la main de Nancy. Il la regarda en passant sous un bec de gaz et vit qu'elle était pâle comme la mort. Ils marchèrent pendant 1/2 heure par les rues sales et peu fréquentées, et les quelques individus qu'ils rencontrèrent avaient tout l'air d'occuper dans la société une position semblable à celle de M. Sykes. Enfin, ils s'engagèrent dans une ruelle encore plus sale que les autres et pleine de boutiques de fripiers. Le chien courut en avant, comme s'il comprenait que la vigilance était maintenant inutile, et s'arrêta à la porte d'une boutique fermée et en apparence inoccupée, car la maison tombait en ruine, et un écriteau cloué sur la porte et qui semblait fixé là depuis bien des années, annonçait qu'elle était à louer. « Tout va bien, » dit Sykes, après avoir jeté autour de lui un regard scrutateur. Nancy passa la main sous les volets et Olivier entendit le bruit d'une sonnette. Ils traversèrent la rue et attendirent quelques instants sous une lanterne. On entendit lever un châssis avec précaution et presque au même instant la porte s'ouvrit doucement. Sans plus de cérémonie, M. Sykes prit au collet l'enfant saisi de terreur et tous trois se trouvèrent bientôt dans la maison. L'allée était complètement sombre et ils attendirent que la personne qui les avait introduits eût remis en place la chaîne et les barres de fer qui barricadaient la porte. « Il n'y a personne ?» demanda Sykes. « Non, » répondit une voix qu'Olivier crut reconnaître. « Le vieux est-il là ?» ajouta le brigand. « Oui, » répondit la voix, « et il avait l'oreille basse en vous attendant. Va-t-il être content de vous voir ? Plus que ça de chance. » Le style de cette réponse, aussi bien que la voix de celui qui parlait, n'était pas inconnu à Olivier, mais il était impossible dans l'obscurité de voir quel était cet interlocuteur. « Éclaire-nous, » dit Sykes, « autrement nous allons nous casser le cou ou marcher sur les pattes du chien, et alors gare aux jambes, je ne vous dis que ça. » « Attendez un instant et vous aurez de la lumière, » répondit la voix. On entendit les pas de quelqu'un qui s'éloignait et au bout d'une minute, on vit paraître le sieur Jack Dawkins, autrement dit le rusé matois, tenant une chandelle fichée dans un bâton fendu. Le jeune filou ne s'arrêta pas à renouer connaissance avec Olivier autrement que par une grimace et fit signe aux visiteurs de le suivre au bas de l'escalier. Ils traversèrent une cuisine où l'on ne voyait que les quatre murs et ouvrant la porte d'une pièce basse et humide qui donnait sur une petite cour fangeuse, ils furent accueillis par de grands éclats de rire. « Oh, la bonne tête !» s'écria maître Charles Bates en riant à se tenir les côtes. « Le voilà, le voilà. Regardez-le donc, Fagin. Mais voyez donc la mine qu'il fait, c'est trop fort. En voilà une bonne farce. Je n'en puis plus. Il y a de quoi mourir de rire. Tenez-moi ou j'étouffe. » La gaieté de maître Bates n'eut plus de borne. Il se laissa tomber tout de son long sur le plancher, agitant convulsivement ses jambes, et pendant 5 minutes, il ne put modérer ses transports. Enfin, il se remit sur pied, saisit la chandelle que tenait le matois, et s'approchant d'Olivier, il l'examina des pieds à la tête, tandis que le juif, ôtant son bonnet, saluait respectueusement et à plusieurs reprises l'enfant abasourdi. Quant au matois, sournois comme il l'était, et peu enclin à rire dès qu'il avait l'occasion d'exercer ses talents, il fouillait les poches d'Olivier avec un soin minutieux. « Voyez donc, Fagin, comme il est attifé !» dit Charlotte en approchant tellement la lumière du vêtement neuf d'Olivier qu'il faillit l'enflammer. « Regardez-moi ça, drap numéro 1, et quelle coupe de muscadin ! Oh, c'est trop drôle ! Et des livres encore ! Mais, Fagin, c'est un monsieur tout craché !»« Charmé de vous voir en si bon état, mon cher !» dit le juif en saluant ironiquement Olivier jusqu'à terre. « Le matois vous donnera un autre vêtement, mon cher, de crainte que vous n'abîmiez votre habit les dimanches. Pourquoi ne pas nous avoir écrit, mon cher, pour nous prévenir de votre arrivée ? Nous aurions eu un souper tout chaud à vous offrir. » À ces mots, maître Bates fut repris d'un fou rire qui dérida Fagin lui-même et fit sourire le matois. Mais comme ce dernier tirait à l'instant même de la poche d'Olivier le billet de banque de 5 guinées, on ne peut dire si ce fut l'explosion de joie de Bates ou cette découverte qui le fit sourire. « Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Sykes en avançant vers le juif qui allait empocher le billet. « Cela m'appartient, Fagin. » « Non, mon ami, non, » dit le juif. « C'est à moi, Guillaume, c'est à moi. Vous aurez les livres. Si on ose dire que ce n'est pas à moi, » reprit Sykes en mettant son chapeau d'un air résolu, « c'est-à-dire à moi et à Nancy, je ramène l'enfant. » Le juif tressaillit, et Olivier aussi, quoique pour un motif bien différent. Il espérait que la dispute aurait pour effet de le remettre en liberté. « Voyons, » dit Sykes, « voulez-vous me donner ça, oui ou non ?»« Ce n'est pas bien, Guillaume. N'est-ce pas, Nancy, que ce n'est pas bien ?» demanda le juif. « Que ce soit bien ou mal, » répliqua Sykes, « donnez-moi ça, vous dis-je. Est-ce que vous vous figurez que Nancy et moi, nous n'avons rien de mieux à faire que de perdre notre temps à donner la chasse au premier garçon qui se fera coffrer à cause de vous ? Donnez-moi ça, vieux ladre, vieille momie, entendez-vous ? » Tout en faisant ses amicales remontrances, M. Sykes saisit le billet que le juif tenait entre le pouce et l'index, puis, regardant froidement Fagin dans le blanc des yeux, il plia le billet en 10 et l'enferma dans un nœud qu'il fit à sa cravate. « Voilà pour votre peine, » dit Sykes. « Et ce n'est pas la moitié de ce que ça valait. Quant à vous, gardez les livres, si vous aimez la lecture, ou sinon vendez-les. »« C'est très intéressant, » dit Charlotte Bates, qui feignait de lire un des volumes en question, en faisant 1000 grimaces. « Beau style, hein, Olivier ?» Et en voyant l'air piteux de celui-ci, M. Maître Bates, qui avait le don de saisir en toute chose le côté comique, s'abandonna à un nouveau transport de gaieté, plus bruyant que le premier. « Ils appartiennent au vieux monsieur, » dit Olivier en se tordant les mains, « au bon et généreux vieux monsieur qui m'a reçu chez lui, qui m'a soigné quand j'étais mourant. Renvoyez-les-lui, je vous en conjure. Renvoyez-lui les livres et l'argent. Gardez-moi ici toute ma vie, mais je vous en prie, je vous en supplie, renvoyez-les-lui. Il croira que je l'ai volé. La vieille dame et tous ceux qui ont été si bons pour moi croiront que je suis un voleur. Oh, ayez pitié de moi et renvoyez-les-lui. » En parlant ainsi, avec l'énergie que donne une poignante douleur, Olivier tomba à genoux aux pieds du juif, en joignant les mains d'un air suppliant et désespéré. « Ce garçon a raison, » observa Fejin en jetant autour de lui un coup d'œil sournois et en fronçant tant qu'il pouvait ses affreux sourcils. « Tu as raison, Olivier, tu as raison. On croira que tu es un voleur. Ah ah » ajouta-t-il en se frottant les mains, « ça se trouve à merveille et nous ne pouvions rien souhaiter de mieux. » « Sans doute, » répondit Sykes, « j'y ai songé dès que je l'ai vu entrer dans Clerkenwell, avec ses livres sous le bras. C'est tout simple, il faut que ce soit des gens confis en dévotion, autrement ils ne l'auraient pas pris chez eux. Ils ne le rechercheront pas, de crainte d'être obligés à des poursuites pour le faire enfermer. Il est en sûreté, comme ça. » Pendant ce dialogue, Olivier regardait tour à tour Fejin et Sykes d'un œil égaré, et comme s'il avait à peine conscience de ce qui se passait autour de lui. Mais au dernier mot de Guillaume Sykes, il se releva subitement et s'élança, tout effaré, hors de la chambre, en criant au secours, de manière à réveiller tous les échos de la vieille maison délabrée. « Ne laisse pas sortir ton chien, Guillaume !» s'écria Nancy en se précipitant vers la porte et en la fermant sur le juif et ses deux élèves qui s'étaient élancés à la poursuite d'Olivier. « Ne laisse pas sortir ton chien, il mettrait cet enfant en pièces. » « Ce serait bien fait, » dit Sykes en se débattant pour se dégager de l'étreinte de la jeune fille. « Lâche-moi, ou je te brise la tête contre le mur. »« Ça m'est égal, Guillaume, ça m'est égal, » cria la jeune fille en luttant énergiquement contre cet homme. « L'enfant ne sera pas déchiré par le chien, ou tu me tueras la première. »« Tu vas voir, » dit Sykes en grinçant des dents. « Ôte-toi de là, ou ce sera l'affaire d'un instant. » Le brigand lança la jeune fille à l'autre bout de la chambre, juste au moment où le juif et ses deux élèves rentraient, ramenant Olivier après eux. « Eh bien, qu'est-ce ? » dit le juif. « Je crois que cette fille est devenue folle, » répondit Sykes d'un air farouche. « Non, je ne suis pas folle, » dit Nancy, pâle et haletante. « Je ne suis pas folle, Fejin, soyez-en sûr. » « Eh bien alors, taisez-vous, » dit le juif d'un air menaçant. « Non, je ne me tairai pas, » reprit Nancy sur un ton très élevé. « Voyons, « qu'avez-vous à dire à cela ?» Fejin connaissait assez le caractère et les caprices des femmes pour sentir qu'il n'était pas prudent de prolonger l'entretien. Pour faire diversion, il s'adressa à Olivier. « Vous vouliez donc vous sauver, mon ami ?» lui dit-il en prenant dans l'angle de la cheminée un gros bâton noueux. Olivier ne répondit rien, mais il observait les mouvements du juif et son cœur battait avec force. « Vous appeliez au secours, vous vouliez faire venir la police, n'est-ce pas ?» poursuivit Fejin avec un rire moqueur et en saisissant l'enfant par le bras. « Nous vous en ferons passer l'envie, jeune homme. » Le juif appliqua un vigoureux coup de bâton sur les épaules d'Olivier et il levait le bras pour recommencer quand la jeune fille se jeta sur lui et lui arracha le bâton qu'elle jeta au feu avec tant de force que des charbons roulèrent jusqu'au milieu de la chambre. « Je ne souffrirai pas chose pareille, Fejin, » s'écria Nancy. « Vous avez retrouvé cet enfant. Que voulez-vous de plus ? Tâchez de le laisser tranquille, entendez-vous, ou je vous arrangerai de manière à me faire pendre avant mon tour. » En proférant ces menaces, la jeune fille frappait du pied le plancher. Pâle de colère, les lèvres serrées, les mains crispées, elle regardait tour à tour le juif et Sykes. « Allons, Nancy, » dit le juif d'un ton radouci, après un moment de silence, pendant lequel il échangea avec M. Sykes des regards étonnés et inquiets. « Vous êtes, ce soir, plus admirable que jamais. » « Hé, hé, ma chère, vous jouez la comédie à ravir. »« Vraiment ?» dit la jeune fille. « Prenez garde que je ne me surpasse. Ce serait temps pour vous, Fejin. Ainsi marchez droit avec moi. Tenez-vous-le pour dit. » Une femme poussée à bout, surtout une femme aigrie par le malheur et le désespoir, peut arriver à un degré d'irritation que peu d'hommes aiment à provoquer. Le juif comprit qu'il feindrait inutilement de prendre plus longtemps la colère de Nancy pour un caprice passager. Et reculant involontairement de quelques pas, il jeta du côté de Sykes un coup d'œil moitié craintif, moitié suppliant, comme pour lui dire que c'était à lui, naturellement, à continuer le dialogue. M. Saïx entendit ce muet appel, et sentant peut-être son orgueil personnel et son influence intéressée à ce que Nancy fût immédiatement réduite à la raison, prononça au moins 2 ou 3 douzaines de malédictions et des menaces dont la rapidité et la variété faisaient beaucoup d'honneur à la fertilité de son esprit inventif. Comme tout cela ne produisait aucun effet visible sur l'objet de sa colère, il eut recours à des arguments plus frappants. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » s'écria-t-il en appuyant sa question d'une des imprécations familières à notre pays contre le plus beau de tous les traits qui décorent la figure humaine, imprécation imprudente qui risquerait, si elle était entendue là-haut, seulement 1 fois sur 50 000, qu'on la répète ici-bas, de faire de la cécité une maladie aussi commune que la rougeole. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Le diable me brûle. Ne sais-tu plus qui tu es et ce que tu es ? » ?»« Oh que si, que je le sais bien !» répliqua la jeune fille avec un rire nerveux, en balançant sa tête de droite à gauche et prenant un air d'indifférence qui dissimulait mal son émotion. « Eh bien alors, tiens-toi tranquille !» ajouta Saïx en grondant, comme il avait l'habitude de le faire quand il s'adressait à son chien. « Ou je te ferai tenir tranquille pour longtemps !» La jeune fille se remit à rire, et avec plus de sans-gêne qu'auparavant. Puis, lançant à Saïx un coup d'œil furtif, elle détourna la tête et se mordit la lèvre jusqu'au sang. « Comme ça te va bien, » reprit Saïx en la toisant avec mépris, « de te donner des airs de bonté et de générosité. La belle occasion pour cet enfant, comme tu l'appelles, de se faire de toi une amie. »« Oui, je suis son amie, » s'écria la jeune fille avec colère. « Et maintenant j'aimerais mieux être morte dans la rue ou avoir pris la place de ceux auprès de qui nous avons passé ce soir que d'avoir contribué à entraîner ici cet enfant. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus qu'un voleur, un fripon, un scélérat. Faut-il pour cela que ce vieux misérable vienne encore le rouer de coups ?»« Allons, allons, Saïx, » dit le juif d'un ton de reproche et en lui montrant les jeunes filous qui écoutaient ce dialogue de toutes leurs oreilles. « Soyons calmes, Guillaume, il faut faire la paix. » « Faire la paix ?» s'écria Nancy exaspérée. « Vieux scélérat, je n'avais pas la moitié de l'âge de cet enfant que déjà je volais pour vous. Et voilà 12 ans que je fais ce métier-là, et toujours pour vous. Est-ce vrai ? Dites, est-ce vrai ?»« c'est bon, » répondit le juif en tâchant de calmer Nancy. « Mais ce métier-là est aussi ton gagne-pain. C'est lui qui te fait vivre. »« En effet, » reprit-elle avec volubilité, « c'est ma vie. » Comme les rues sont ma demeure, malgré le froid, la pluie et la boue. Et c'est vous, misérable, qui m'avez mené là, et qui m'y retiendrez nuit et jour, jusqu'à ce que je meure. Il t'arrivera pis que cela, interrompit le juif piqué de ses reproches. Pis que cela, entends-tu, si tu dis encore un mot. Elle se tut, mais dans sa colère, elle s'arrachait les cheveux et déchirait ses vêtements. Elle se précipita sur le juif, et lui eût probablement laissé des marques de sa vengeance si Saïx ne fût intervenu à temps en la prenant par les mains. Elle fit quelques 20 efforts pour se dégager et tomba évanouie. « J'aime autant cela, » dit Saïx en la posant à terre dans un coin de la chambre. « Elle a une force étonnante dans les bras quand elle est montée comme ça. » Le juif s'essuya le front et sourit. Il se sentait soulagé en voyant enfin cette scène terminée. Mais ni lui, ni Saïx, ni le chien, ni les jeunes voleurs ne semblèrent y voir autre chose qu'un incident ordinaire et inhérent au métier. « C'est le diable que d'avoir affaire aux femmes, » dit le juif en remettant le bâton à sa place. « Mais elles sont bien fines, et nous n'arriverions à rien sans elles. Charlotte, mène coucher Olivier. »« Je suppose qu'il ne mettra pas demain ses beaux habits, n'est-ce pas, Fagin ?» demanda Charlotte Bates en riant. « N'aie pas peur, » répondit le juif en riant aussi. Maître Bates, charmé probablement de cette commission, prit la chandelle et conduisit Olivier dans une cuisine voisine où il y avait 2 ou 3 lits semblables à celui où Olivier avait dormi jadis. Là, le sieur Bates, après avoir ri de tout son cœur, rendit à Olivier les affreux haillons dont celui-ci avait été si heureux d'être débarrassé chez M. Brownlow. Le hasard avait voulu que Fagin les reconnût entre les mains du juif qui les avait achetés, et cette circonstance l'avait mis sur la trace d'Olivier. « Ôte les beaux habits, » dit Charlotte. « Je les donnerai à Fagin, qui en aura soin. »« Ah, la bonne farce !» Le pauvre Olivier obéit, bien à contre-cœur. Maître Bates roula les vêtements neufs, les mit sous son bras et sortit. Il ferma la porte à clé et laissa Olivier dans les ténèbres. Les éclats de rire de Charlotte et la voix de Miss Betsy, qui survint à propos pour jeter de l'eau froide à la figure de son amie évanouie et la faire revenir à elle, auraient suffi pour empêcher de dormir bien des gens plus heureux qu'Olivier. mais il était souffrant et épuisé de fatigue, et bientôt il s'endormit profondément.